Section numéro 69 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale. Les Croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 14, première partie. Les Polabes, par Ernest Denis. Lutitz et Obotrit. La conquête germanique, si vivement poussée au Xe siècle par le duc de Saxe Hermann Billung et le margrave Géraud, avait ensuite subi un temps d'arrêt. Pendant que la dynastie franconienne poursuivait au loin ses rêves de domination universelle, 1024-1125, les margraves du Nord, agités et médiocres, laissaient plier la frontière jusqu'à l'Elbe. Malheureusement, les Slaves ne profitèrent pas d'une occasion qui ne devait plus se présenter. Un moment redoutable sous les Boleslaves, la Pologne s'émiette en principauté qu'absorbe de mesquines querelles et abandonne à leur destinée les Slaves de l'Oder et de l'Elbe, tandis que ces derniers, dont la croissance a été trop brusquement troublée par les rigueurs de la fortune, s'obstinent dans une immobilité morne. Uniquement préoccupés de ne rien recevoir de l'ennemi héréditaire, ils se condamnent à une irrémédiable infériorité en repoussant le christianisme et la civilisation occidentale. Chez eux, l'instinct national se transforme en un esprit étroit de conservation, qui s'entête à ne pas voir la situation et à ne pas se soumettre aux nécessités impérieuses de la vie. Incapable de tout calcul lointain, indifférent à l'avenir et comme insoucieux de l'existence, ils se refusent à toute concession en politique comme en religion, et leur particularisme obstiné ne consent jamais à sacrifier au bien général les intérêts des diverses tribus. Quelques princes essayent de les arracher à leur torpeur et de réunir leurs forces. Ils se heurtent à une inertie invincible, et, dès qu'ils ont disparu, les peuplades retombent dans leur isolement. Tout effort fatigue leur vieillesse prématurée. Elles semblent avoir conscience que leurs jours sont comptés, et ne songent qu'à jouir du répit que leur laisse l'indifférence momentanée de l'Allemagne, sans chercher les moyens de se défendre contre de nouvelles attaques. Leur défaite est certaine, dès que la lutte sera reprise, avec quelque énergie, et déjà, les Danois au nord et les margraves de l'est, sur l'Elbe, commandent l'assaut qui leur livrera la forteresse démantelée. Albert l'Ours. Dans la marche du Nord, la famille des comtes de Stade, 1056-1128, s'éteint, et, en 1134, la marche est donnée par Lothaire de Supplimbourg à Albert l'Ours, le fondateur de la dynastie ascanienne. Henri le Lion, Albert l'Ours et Frédéric Barberousse, dit le vieil adage allemand, étaient trois hommes capables de convertir le monde. Peut-être, mais la tâche ne les tentait guère, et leur ambition se détournait volontiers vers l'ouest ou le sud. Il y a quelque exagération, en particulier, à voir dans Albert l'Ours, ainsi que le veut la légende germanique, une sorte de héros national et chrétien. La vérité est qu'il se laisse souvent distraire de la croisade. Avec quelque persévérance, sans doute, il eût pu soumettre les Lutitz et porter, dès lors, au-delà de l'Oder, les limites de son margraviat. Du moins, sut-il mettre à profit l'enthousiasme chrétien, soulevé en Allemagne par la prédication de Saint Bernard, 1147, et réussit-il à s'établir solidement sur la rive droite de l'Elbe. Héritier du roi Vendre Pribislav, 1150, victorieux des Brisanes et des Stodoranes, Albert ne lègue à ses successeurs, 1170, qu'un domaine encore assez peu étendu. Le Havland, la Zauche et la Prienitz ou Havelberg ne représentent qu'une petite partie de la province actuelle de Brandebourg. Mais l'impulsion est donnée, et sur ces territoires ouverts, rien n'arrêtera désormais les margraves. Ils n'auront qu'à se laisser porter par le flux de l'immigration allemande. Soumission des Obotrites, le Mecklembourg, la Poméranie occidentale. Les tribus riveraines de la Baltique sont plus rapidement vaincues encore. Le duc de Saxe, Henri le Lion, soumet les Wagriens établis dans le pays des Obotrites, Bodrites, trois sièges épiscopaux qui révèlent de Brême et fait l'ancienne capitale des Slaves la résidence du comte de Schwerin. Le prince des Obotrites orientaux, Pribislav, se convertit au christianisme et marie son fils, Henri Baldwin, 1178-1227, à la fille naturelle de Henri le Lion, Mathilde. De ce mariage sort la dynastie slavo-allemande qui règne encore sur le Mecklembourg et qui, rapidement germanisée, n'a bientôt d'autre ambition que de faire de ses états une province purement allemande. Le pays se couvre de colons étrangers. Loubeck, dont Henri le Lion est le véritable fondateur, 1158, devient la grande citadelle de l'Allemagne dans la Nordalbingie et la place de commerce la plus importante de la Baltique. À l'est, de la Peine jusqu'à l'Oder, le pays était habité par des tribus Loutits, les Ukranes, les Donenchans, les Ratars, les Tcherspieniens, etc. Ils se rattachaient à la Poméranie. Ils doivent reconnaître la suzeraineté de Henri le Lion et les territoires de l'Oder, qui formeront plus tard l'Ukraine-Mark, le Bradnim et le Teltow, font ainsi désormais partie de l'Allemagne. La puissance du grand-duc du Nord inquiète cependant l'empereur et les seigneurs voisins. Nous avons vu sa chute. La Saxe s'émiette en fiefs et en villes libres. Mais si la disparition de la Saxe arrête dans ces régions les progrès de l'Allemagne, les Slaves n'en tirent aucun avantage. Une seule question se pose encore. Sera-ce à l'Empire ou au Danemark qu'appartiendra la Baltique? Tout au plus, les divisions des conquérants qui se disputent leurs dépouilles permettent-elles aux Loutlistes du Nord de prolonger quelques années une résistance inutile? Lors même qu'ils conservent leur dynastie nationale, ils n'en sont pas moins livrés aux influences étrangères, et les souverains de Poméranie, reconnus ducs et princes d'Empire par Frédéric Barberousse, 1181, justifient sa faveur par leur dévouement à l'Allemagne. L'héritage politique de la Saxe parut d'abord devoir revenir aux Danois. Maîtres de Rügen depuis 1168, ils soumettent à leur suzeraineté la Poméranie, dominent toutes les côtes de l'Elbe à l'Oder, et leurs rois prennent le titre de roi des Slaves, des Vandales ou des Vandes. Mais ce n'est là qu'un épisode sans grande importance. Après la captivité du roi Valdemar II, le Danemark ne conserve de son empire slave que Rügen et les côtes voisines, qui lui échappent à leur tour un siècle plus tard, 1325. Les victoires passagères des Danois ont à peine ralenti les progrès de la race germanique dans ces régions. Les Ascaniens. Dans le bassin moyen de l'Elbe, les Ascaniens, à peu près indépendants de l'Empire, unis entre eux malgré les partages, servis par une noblesse belliqueuse, à laquelle le voisinage de l'ennemi enseigne la nécessité de la discipline, poursuivent avec autant de persévérance que de succès la politique inaugurée par Albert l'Ours. Dans ces provinces, dont la population slave disparaît rapidement, ils fondent un état d'une physionomie très particulière, qui ne se distingue pas moins du reste de l'Allemagne par le caractère de ses habitants que par ses institutions, et qui prépare, dans des luttes patientes, sa fortune future, en même temps qu'il la justifie par les services qu'il rend à la patrie germanique. Dès 1232, les Ascaniens s'emparent définitivement du Barnim et du Teltow. C'est là, sur la rive de la Spree, que naît, au XIVe siècle, de la réunion de deux pauvres villages Vans, la future capitale de la Prusse. Vers 1250, les margraves franchissent l'Oder et, dans la région de Kruustin, de Landsberg et de Soldin, organisent sur le cours inférieur de la Warta la nouvelle marche. Ils forcent les Poméraniens à leur céder Lückermark et le pays de Stargard, leur imposent leur suzeraineté et prétendent soumettre à leur domination la Poméranie orientale ou Pomerelli. Vers la fin du XIIIe siècle, la puissance germanique est si solidement établie dans ces contrées qu'elle n'est pas même ébranlée par l'extinction de la dynastie ascanienne, 1319. Et le long interrègne qui s'écoule, jusqu'au moment où les héritiers d'Albert l'Ours trouvent dans les Hohenzollern des successeurs dignes d'eux. La colonisation allemande. C'est que les Ascaniens ne se sont pas contentés d'imposer aux Loutites leur autorité politique. ils ont complètement transformé le pays. Les colons allemands n'attendent même pas pour accourir que la soumission soit définitive. Dès qu'ils trouvent une protection efficace, ils arrivent en foule. La plupart viennent de Saxe, beaucoup aussi des Pays-Bas. Le plateau aride qui côtoie l'Elbe depuis l'embouchure de l'Elster jusqu'aux environs de Magdebourg prend alors le nom de Fleming. Les descendants des anciennes dynasties slaves ne mettent pas moins d'ardeur que les Ascaniens à favoriser l'introduction des colons et des mœurs germaniques. Souvent, les Slaves sont chassés pour faire place aux nouveaux habitants. Ailleurs, réduits à une condition inférieure, opprimés et méprisés, ils se retirent peu à peu dans de misérables villages, situés pour la plupart au bord des cours d'eau. Rapidement, ils oublient leur langue, se perdent dans le flot des envahisseurs. À la fin du XIVe siècle, l'œuvre de dénationalisation est presque terminée, et les chroniques de Rügen signalent la mort des deux derniers Slaves du pays. La transformation est plus radicale encore que chez les Serbes de Lusace, qui ont cependant perdu plus tôt leur nationalité. Les souvenirs mêmes disparaissent. Les superstitions locales, que l'on a cru longtemps d'origine slave, sont en réalité purement allemandes. Quelques faibles débris des Drevlian et des Luns Glinians se maintiennent dans le Lunenburg jusqu'au XVIIIe siècle. Leurs descendants se nomment encore aujourd'hui les Vans. À l'est, dans la Poméranie, quelques Slovènes représentent les derniers et misérables restes de ces puissantes tribus polables sur les ruines desquelles s'est élevée la grandeur de la Prusse. Fin de la section 69.